Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous cette petite exhortation, car la Bible veut que entre enfants de Dieu, qu'il y ait des exhortations les uns les autres. C'est la volonté du Père. Donc, moi, je peux juste venir vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Voici ce que notre bien-aimé Christ Jésus dit dans Marc chapitre 15. Il va dire, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, priez pour les malades, chassez les démons. Ça, c'est les recommandations de Christ Jésus. Ce qu'il attend de ses disciples, ce qu'il attend de ses serviteurs. Le serviteur fidèle fera ce que le maître veut pour plaire à son maître. Si tu fais une partie, tu ne peux pas plaire à ton maître. Ton maître attend de toi que tu annonces la bonne nouvelle du salut, que tu pries pour les malades, guérissez les malades, chassez les démons. Oh, le problème, c'est que lorsqu'on regarde dans l'église, combien sont fidèles parmi ses serviteurs? Combien? Pas beaucoup, bien-aimés. C'est regrettable. Annonce la bonne nouvelle. Prie pour les malades, chasse les démons. Parce que Jésus savait que beaucoup viendront dans l'église chargés et fatigués. Il n'est plus là pour le faire. Mais il a demandé aux disciples de chasser les démons. Il attend du disciple qu'il prie pour les malades. La Bible ne dit pas « Invoquez-moi et je viendrai chasser les démons ». Non, c'est ce que Jésus attend de ses disciples. Mais lorsque vous regardez dans les églises, vous allez trouver que beaucoup font une partie de la mission. Moi, je connais des églises du premier de l'année jusqu'au dernier jour. On prêche la parole, on passe aux offrandes, on fait les annonces, basta, rendez-vous dimanche prochain. Ça tourne comme ça en boucle. Mais ce n'est pas ce que le maître a dit. Le maître a dit de prêcher la parole, mais de prier aussi pour les malades et de chasser les démons. Parce que si tu te contentes de prêcher que la parole, qui va faire le reste? Qui fait le reste? Beaucoup ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup ne sont pas obéissants. Ils font une partie de ce que Jésus attend d'eux. Si tu ne chasses pas les démons, qui viendra les chasser aux fidèles qui sont devant toi? Parce que beaucoup sont chargés et fatigués. Jésus t'a donné le pouvoir de le faire. Tu as ce pouvoir, homme de Dieu, tu l'as. Mais pourquoi tu ne l'exerces pas? Donc, ce que je veux dire ici, c'est important pour chacun de nous. Parce que hier, j'ai fait une exhortation sur les liens de sang. Et certaines personnes, en lisant leurs interventions, disaient, mais quel lien de sang? N'est-il pas écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et que toute chose est devenue nouvelle. Gloire à Dieu, parce que c'est la vérité. Mais vous allez comprendre, toi qui as écrit ça, et d'autres qui se posaient des questions. Je vais vous dire quelque chose dans cette vidéo. Peut-être vous allez comprendre. Je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 26. Écoutez ce que Jésus-Christ dit, celui qui s'appelle la vérité. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, dit Jésus. Celui qui vit et qui croit en moi, Jésus, ne mourra jamais. Retenez-le, parce que je vais descendre sur d'autres passages bibliques. Jésus dit que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Ok. Allons dans Romains chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 10. La Bible dit ceci. C'est Paul qui le dit aux Romains. Si Christ là est en toi, ton corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Regardez comment est écrit ce esprit avec petit e. Je t'informe, toi qui ne le sais pas peut-être, que quand tu as ta Bible là, quand tu vois esprit de l'homme avec petit e, c'est l'esprit de l'homme. Grand E, le Saint-Esprit. Bon, pour ne pas confondre. Paul dit aux Romains, si Jésus est en toi, il faut que tu saches que ton corps là est mort à cause du péché. Mais ton esprit est vie à cause de la justice. Jésus nous a dit tout à l'heure, celui qui croit en lui ne mourra jamais. On descend au verset 11. Et si l'esprit, esprit avec grand E, dont il s'agit du Saint-Esprit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. Jésus a dit au début, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Vous allez comprendre où je veux en venir. Bien-aimés de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu ne parlent pas de ce que je vais dire là. Pas parce qu'ils ne le savent pas. Non, peut-être parce qu'ils se disent, bon, c'est pas important, on peut passer dessus. Mais moi, je vais quand même parler de ça, c'est important. Moi, je crois que c'est important parce que beaucoup sont un peu dans la confusion. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Oui, les choses anciennes sont passées. Oui, mais vous allez comprendre qui est en Christ. Je vais descendre dans Ecclésiaste. C'est notre bien-aimé Salomon, fils de David, qui va nous dire ici dans Ecclésiaste, au chapitre 12. Ecclésiaste va parler de la mort. Parce que Jésus nous a dit tout à l'heure que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Et Ecclésiaste va nous parler de la mort. Vous allez comprendre pourquoi je parle de tout ça avec le lien des péchés des parents, les péchés héréditaires, les conséquences. Parce que hier, j'ai fait une vidéo là-dessus. Salomon dit, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues, les gens qui pleurent parce qu'il y a un décès. Au verset 6, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Verset 7, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était. Et que l'esprit, esprit petit e, retourne à Dieu qui l'a donné. Mon esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Avant que cette poussière retourne à la poussière. Mais bien aimé, je voudrais attirer votre attention sur le verset 6. Avant que le cordon d'argent se détache. Toi qui es aujourd'hui en Jésus, avant tu étais un grand sorcier, tu sais de quoi je parle. Toi qui faisais le voyage astral avant, tu sais de quoi je parle quand je parle du cordon d'argent. Les personnes qui faisaient le voyage astral, vous savez de quoi je parle quand Salomon parle ici du cordon d'argent. Mon frère, ma soeur en Christ, je veux que tu comprennes qu'il y a une liaison entre ton esprit et ton corps. Ton esprit est relié à ton corps par un cordon d'argent. Ecclésiaste ici en parle, Salomon en parle. Beaucoup ne le savent pas. C'est normal. Beaucoup parmi vous n'ont jamais fait le voyage astral. Beaucoup parmi vous ne sont pas sorciers. C'est normal qu'ils ne sachent pas ces choses-là. Mais celui qui a fait la sorcellerie sait de quoi je parle. Celui qui a fait le voyage astral sait de quoi je parle. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui ne le sais pas, ton esprit est relié à ton corps là, par un cordon. C'est le cordon qui fait le lien. C'est très important. Parce que si tu ne comprends pas ça, c'est pourquoi Salomon en parle dans Ecclésiaste. Salomon en parle, c'est très important. Beaucoup ne le savent pas. Parce que beaucoup n'ont pas pratiqué l'occultisme. Le sorcier, il quitte son corps, non ? Il va faire des voyages à des kilomètres, il revient. Celui qui fait le voyage astral, il quitte son corps. Il va loin, il revient. Il faut que tu saches que quand le sorcier quitte son corps, il peut aller à des milliers de kilomètres. Son esprit là est relié à son corps par un cordon. Tant que ce cordon n'est pas coupé, n'est-ce pas, il a toujours la possibilité de revenir. Bon, je vous donne une petite parenthèse. Comprenez que certains sorciers, il est allé dormir le soir, le matin on le trouve raide. Vous savez ce qui s'est passé? D'autres ont coupé le cordon. Parce que quand le cordon est coupé, il n'y a plus possibilité de réintégrer le corps. C'est ce que Salomon dit ici. C'est ce que Salomon dit ici parce que Salomon sait de quoi il parle. Salomon parle de ce cordon. Il y a un cordon qui relie ton esprit et ton corps physique. Pourquoi j'en parle? Il faut que tu comprennes. Je te prends un exemple. Le monsieur qui embaume les corps dans une morgue, il les coupe avec le couteau pour mettre les produits. Est-ce que le corps crie? Non. Pourquoi? Parce que celui qui était à l'intérieur du corps n'est plus là. Il est parti, le cordon est brisé. Le corps, on peut le couper en plusieurs morceaux. Ça ne parle plus. Le cordon a déjà été brisé. Donc l'être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que le corps peut subir, tu vas le ressentir grâce à la liaison du cordon. C'est ce cordon qui transmet, c'est comme un réseau. C'est-à-dire les choses de l'esprit, il les envoie sur le corps. Les choses du corps, il les envoie sur l'esprit. Les deux sont reliés par un cordon. C'est quand ce cordon est coupé qu'il y a mort. La mort, c'est-à-dire que la séparation définitive de ton esprit à ton corps. C'est là qu'on parle de mort. Jésus a dit, celui qui croit en lui ne mourra jamais. En fait, si tu as déjà la vie de Dieu, tu ne mourras jamais. Mais tu quittes seulement ton corps. Tu quittes seulement ton corps. Tu n'es pas mort. Tu quittes le corps. D'accord? On va revenir sur Salomon. Merci Salomon parce que tu en parles. Car tout le monde ne connaît pas ces choses. Tout le monde n'est pas sorcier. Tout le monde n'est pas franc-maçon. Tout le monde ne fait pas des pratiques occultes. Parce que les gens qui font l'occultisme font le voyage astral. Et quand ils sortent de leur corps, ils voient bien le cordon. Si ce cordon est coupé, tu ne peux pas revenir. C'est ce cordon qui fait la liaison entre ton corps qui est resté au lit là, la nuit, et toi-même tu es loin. C'est-à-dire que ton esprit, même s'il a des milliers de kilomètres, reste rattaché à ton corps qui est dans les draps par ce cordon. Si ce cordon se casse, tu ne peux plus. Et puis on va trouver le matin, oh, il est allé au lit le soir, il ne s'est pas réveillé, il est mort dans le sommeil. En fait, le cordon a été brisé. Pourquoi je parle de ça? Vous allez comprendre. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il donne la vie à ton esprit, ton âme et ton corps. Je vais lire Actes chapitre 19. Le problème, avant de lire, c'est que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Tout le monde ne l'a pas. Beaucoup ont le baptême de Jean, le baptême d'eau. Beaucoup. Mais beaucoup n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Regarde-moi bien, mon frère, ma soeur. Moi qui te parle, tu ne m'as jamais vu. Tu ne sais pas qui je suis. Celui que tu vois là à la vidéo, le corps physique là, c'est l'enveloppe qui retourne à la poussière, comme Ecclésiaste l'a dit. Salomon dit, Salomon, Ecclésiaste 12, que quand le cordon est brisé, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est ce qu'Ecclésiaste a dit tout à l'heure. Et que le corps là qui est poussière retourne à la poussière. C'est ce qu'Ecclésiaste a dit. Ça veut dire que l'esprit qui retourne à Dieu là qu'il a donné, cet esprit était caché dans le corps de la personne. Il sortira de ce corps pour retourner à Dieu qui l'a donné. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. Ça veut dire que t'es dit qu'il te parle. C'est important ce que je vais dire. L'être humain, c'est pas le corps physique. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. L'être humain est un être spirituel qui, tant qu'il est sur terre, il habite dans un corps. Son esprit est lié à ce corps par un cordon. C'est pourquoi celui qui embaume les corps, s'il prend le couteau, il peut le mettre sur le corps, sur le cadavre. Est-ce que le cadavre a mal? Non. Mais l'esprit qui était relié à ce corps par un cordon, comme le cordon a été coupé, c'est pourquoi on peut maintenant faire au corps tout ce qu'on veut. L'esprit qui était là-dedans n'a plus mal, parce que la liaison, ce qui le liait à ce corps, a été coupé. Je vais te dire par là, que si quelqu'un me pince ici, ce corps, je suis esprit, puisque Dieu m'a créé à son image. Donc si quelqu'un pince ici ma main, j'ai mal, pourquoi? À cause de la liaison qu'il y a entre mon corps et mon esprit. Si cette liaison est coupée, vous pouvez prendre le couteau, vous coupez même là, vous coupez partout, je n'ai plus mal, c'est-à-dire que je ne sens plus la douleur parce que mon esprit n'est plus lié à ce corps. Le cordon a été coupé. C'est très important ce que je vous dis. Retenez-le bien. Parce que tout le monde n'a pas fait la sorcellerie. Les gens ne savent pas que leur esprit est lié à leur corps par un cordon. Ecclésiaste en parle. Il y a mort lorsque le cordon là est coupé. Il peut être coupé par accident de voiture. Il peut être coupé parce que quelqu'un t'a assassiné. Il peut être coupé par une longue maladie. Mais le seul moment où ton esprit quitte définitivement ton corps, c'est quand le cordon est cassé. C'est très important. Beaucoup d'hommes de Dieu ne vous parleront pas de ces choses-là. Pas parce qu'ils ne le savent pas, mais ils se disent, bon, ça c'est pas important. Mais moi, je crois que c'est important. Parce que comment pouvez-vous attaquer l'adversaire si vous ne connaissez pas ces... Ce sont des bases. Ce sont des bases. Dans toutes les églises où j'ai enseigné les gens d'abord dans les bases. Beaucoup ne savent même pas cette histoire de cordon. Jésus a dit tout à l'heure que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Jésus a raison. Parce que c'est seulement le cordon qui te relie au corps physique qui est coupé. Tu continues à exister. Ecclésiaste nous dit, parce que l'esprit doit retourner à Dieu qui l'a donné. Tu ne mourras jamais, toi qui as Jésus. Mais le cordon qui te lie là à ton corps physique, là, un jour sera coupé. C'est alors qu'on parle de mort. La mort, ce n'est que lorsqu'il y a rupture de ce cordon. C'est-à-dire que là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, que si Dieu me prend tout de suite, d'accord, ma femme va trouver mon corps par terre. On peut prendre ce corps, on le balance par la fenêtre. Moi, je n'ai plus mal. Parce que le cordon qui me liait à ce corps a été coupé. C'est-à-dire que c'est pourquoi, tant que ce cordon est lié à ton corps, si on prend une aiguille, on le met sur ton doigt, tu auras mal. Parce qu'il y a une liaison entre toi, esprit, et ton corps. La liaison, c'est le cordon. Ecclésiaste en parle. Vous allez comprendre maintenant ma vidéo hier qui parlait des liens héréditaires. La Bible nous a dit dans Romains tout à l'heure que si Christ est en toi, ton corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie. L'esprit de Dieu vient donner la vie à mon esprit. Mais mon esprit reste relié par le cordon à mon corps. La Bible dit que le péché est dans la chair. C'est pourquoi ton corps doit retourner à la poussière. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ce n'est pas le corps qui est une nouvelle créature. Ton corps ne sera jamais une nouvelle créature. C'est ton esprit qui est une nouvelle créature. Parce que ce corps-là va à la poussière. Quand tu vas mourir, est-ce que tu l'amènes au ciel, celui-là? Parce que si celui-là était une nouvelle créature, il devait partir au ciel. Mais pourquoi il reste sur terre? Parce qu'il n'est pas une nouvelle créature. Le corps, là, ce n'est qu'une enveloppe. Tant que tu es sur terre, tu vis dans cette enveloppe, le corps. Tout mon corps physique, là, c'est l'enveloppe. Moi, je suis esprit, puisque Dieu m'a créé à son image. Je suis dans le corps. Ce corps a quelle utilité? C'est grâce à ce corps que j'ai le contact physique. Parce que si je quitte ce corps, l'esprit peut traverser un mur. Mais tant que je suis dans le corps, je peux avoir le contact avec les choses physiques. Mais si je quitte le corps, les choses physiques ne peuvent plus me bloquer. Je peux les traverser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le croyant... Je vais d'abord vous lire un passage avant de continuer. Acte 19, je vais lire à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Personne ne nous a jamais parlé du Saint-Esprit. Personne ne nous a jamais dit qu'il nous faut recevoir le Saint-Esprit. On n'a pas entendu parler de ça. Et Paul demande, quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean, Jean-Baptiste. Nous, on a jusque-là fait. On croit en Jésus parce que Paul a rencontré ici quelques disciples. C'est ce que la Bible dit. Ce sont des gens qui ont entendu l'évangile et ont reçu Jésus. Puisque Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Ces gens ont cru, ils sont devenus disciples et eux aussi prêchaient la bonne nouvelle. Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit, frère? Non, nous on n'a même pas entendu parler qu'il fallait recevoir le Saint-Esprit. Personne ne nous a jamais dit ça. Mais vous avez reçu quel baptême? Nous on a reçu le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit? Non, on n'a pas le Saint-Esprit. Mais c'était des croyants, ils ont reçu Jésus, ils étaient disciples, c'est ce que la Bible dit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 10, si tu vas le lire, comment croiront-ils en ce dont ils n'ont pas entendu parler? Si tu ne prêches pas, et la Bible dit, comment entendront-ils parler si personne ne prêche? C'est-à-dire que vous avez des pasteurs qui ne parlent même pas du baptême du Saint-Esprit. Allez dans les églises protestantes. Moi, j'ai entendu de la bouche d'un pasteur protestant qui disait, oh, le Saint-Esprit, c'était à l'époque des disciples. Beaucoup ne parlent pas. Beaucoup parlent du Saint-Esprit dans la Bible, oui. Mais ils ne demandent pas à leurs fidèles de prier pour que Dieu les baptise du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient de Dieu. Jean-Baptiste a dit, moi là, je peux vous faire que le baptême d'eau. C'est tout. C'est tout que le baptême d'eau. Mais lui là, celui que vous voyez là-bas, c'est lui qui peut vous baptiser du Saint-Esprit. On a ici dans Actes 19 des gens qui croyaient en Jésus, qui étaient devenus des disciples de Jésus et qui annonçaient la bonne nouvelle, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Tout le monde ne l'a pas. Vous avez dans beaucoup d'églises. Quelles sont les nouvelles personnes? Les gens lèvent la main. Quelles sont les personnes qui veulent recevoir Jésus? Venez devant. On prie pour eux, ils vont s'asseoir. Il n'y a pas de « on va prier le Seigneur pour que Dieu vous baptise du Saint-Esprit ». Non, non, non. Les gens ont fait l'appel, ils ont reçu Jésus. Ils sont devenus des disciples. Oui, parce que dans Actes 19, les disciples que Paul voit là, ils avaient reçu Jésus, ils croyaient à l'évangile. Quand on te dit à l'église, lève-toi pour recevoir Jésus, oui. Tu deviens disciple de Jésus. Le problème, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit comme ces disciples-là. Ils étaient des disciples, Paul leur dit « mais ». Vous avez reçu le Saint-Esprit? Ah non, frère, nous on n'a même pas entendu parler de ça. Personne ne nous a jamais dit qu'il fallait le recevoir. Beaucoup sont comme ça. On leur a seulement demandé dans une église, vous voulez recevoir Jésus? Oui, venez, levez-vous. Et puis, on prie, ils vont s'asseoir. Mais on n'a jamais prié le Seigneur pour que le Seigneur les baptise du Saint-Esprit. Vous ne verrez pas ça dans beaucoup d'églises. Ce qui fait qu'il y a plein de fidèles, hommes, femmes, qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui ont reçu Jésus. Ils ont bien reçu Jésus, ces disciples de Actes 19, ils avaient reçu Jésus. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu te lèves pour aller recevoir Jésus devant que tu as le Saint-Esprit. Ces disciples-là avaient reçu Jésus. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Paul leur dit, mais attends, vous n'avez pas reçu? Non, non, frère. C'était des disciples, c'était pas des païens. La Bible dit, c'était des disciples. Et Jésus a dit aux disciples, faites de toutes les nations les disciples. Donc ces personnes-là, ils avaient bien entendu l'évangile, ils ont reçu Jésus, ils sont devenus disciples, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on t'a dit, viens devant recevoir Jésus, que tu as le Saint-Esprit. Non, non, tu as reçu Jésus, oui, mais ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte, beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Acte 19, lisez Acte 19 à partir du verset 1. Paul était en face des disciples, des gens qui croyaient en Jésus, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais qui n'avaient que le baptême d'eau. On peut bien être disciple de Jésus et ne pas avoir le Saint-Esprit. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est le Saint-Esprit qui brise les jougs. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Tout à l'heure, quand on lisait Romains chapitre 8, je vais le relire, à partir du verset 10, « Si Christ est en toi, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. » Le corps, c'est pourquoi le jour où tu partiras, lui là, il retourne à la poussière. Parce que le péché est dedans lui. Tu ne vas pas avec lui là-bas. On ne va pas avec lui, il reste là à la poussière. Et c'est ce qu'Ecclésiaste a dit, que celui-là retourne à la poussière. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à ton corps mortel. Qui donne la vie à mon corps mortel? C'est le Saint-Esprit. Si je ne l'ai pas, qu'est-ce qui donnera la vie à mon corps mortel? Vous comprenez maintenant pourquoi les péchés héréditaires peuvent m'influencer. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui donnera la vie à mon corps mortel? Parce que c'est le Saint-Esprit qui brise les jougs. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo d'hier où j'ai parlé des liens. La Bible dit dans Romains 8 que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie à mon corps mortel. Mais si je ne l'ai pas, qu'est-ce qui donnera la vie à mon corps mortel? C'est d'ici, dans Actes 19, que Paul a vu et qui n'avait pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut donner la vie à leur corps mortel? Ça ne veut pas dire que ces disciples-là n'étaient pas sauvés. Je ne parle pas de ça. Ils étaient sauvés, ces disciples-là, parce qu'ils ont cru. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais ils avaient eu le baptême de Jean. Et ils croyaient en Jésus. Ils sont sauvés là. Je ne dis pas que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Ces disciples-là, ils étaient sauvés. Mais seulement ils avaient besoin du Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, non seulement il va te conduire, non seulement il va te permettre de comprendre la parole de Dieu, en plus, il communique la vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Donc, quand il est dans ton esprit, et puisque ton esprit, comme Salomon le dit dans l'Ecclésiaste, est relié à ton corps par un cordon, donc la vie que le Saint-Esprit va inonder dans ton esprit va également traverser le cordon et viendra influencer ton corps. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 8 que si l'Esprit de Dieu habite en toi, il va communiquer la vie à ton corps par la liaison du cordon dont Salomon parle dans l'Ecclésiaste. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, pourquoi les péchés de tes ancêtres ne vont pas t'influencer? Qu'est-ce qui donnera la vie à ton corps si tu n'as pas le Saint-Esprit? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qui est en Christ? C'est pas le corps. C'est pas le corps. C'est l'être spirituel qui est en moi, qui est né de nouveau. C'est mon esprit qui est une nouvelle créature, pas celui-là. Celui-là retourne à la poussière. Ton corps n'est pas une nouvelle créature, c'est ton esprit. Donc quand la Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature, celui qui est en Christ, c'est moi, moi qui te parle là. C'est pas le corps. Je suis à l'intérieur de ce corps. Ça, c'est une enveloppe. C'est lui. Quand j'ai accepté Jésus, j'avais les cicatrices ici. Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit, les cicatrices sont là. Parce que mon corps n'est pas une nouvelle créature. Mon corps n'a pas changé, mais ton esprit a changé. Parce que tu es né de Dieu. C'est ton esprit qui devient une nouvelle créature, pas ton corps. Avant d'accepter Jésus, j'avais la cicatrice là. Mais si mon corps était devenu une nouvelle créature, je ne devais plus l'avoir. Parce que mon corps est maintenant un autre corps. Mais c'est ton esprit qui devient une nouvelle créature, pas l'enveloppe là. Pas l'enveloppe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enveloppe là ne peut être guéri que si tu es rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va te remplir de la vie, et cette vie passe par le cordon pour venir influencer ton corps. Il y a une liaison entre ton corps et ton esprit. Quand cette liaison, ce cordon est coupé, tu vas définitivement au royaume de Dieu pour le jugement. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé des péchés hier. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, celui-là, la Bible nous dit dans Romains, je vais lire encore verset 10, Romains 8, verset 10, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. La Bible te dit que le corps, le péché est dedans, il est mort. Il n'est pas vivant, le corps n'est pas vivant, il est mort. La Bible dit qu'il est mort. D'accord. Comme lui et mon esprit, il y a le cordon. C'est pourquoi l'homme subit tout ce qu'on lui fait sur le corps. Tu vas le subir. Parce qu'il y a la liaison. C'est la raison pour laquelle quand un sorcier va la nuit, il prend un coup là-bas. À cause de la liaison, le corps était pourtant resté au lit. Le corps est resté au lit. Le corps n'était pas en sorcellerie. C'est lui qui était là-bas. S'il prend un coup là-bas, le corps va subir les conséquences à cause de la liaison. Ça veut dire quoi? Si je prends un couteau tout de suite, je blesse ce corps, je sens mal à cause de la liaison. Parce qu'il y a une liaison, un cordon qui me relie, qui relie mon esprit. C'est mon esprit qui te parle là. T'es dit est esprit. T'es dit n'est pas corps. C'est mon esprit qui te parle. Cet esprit est né de nouveau. Mais tu ne la vois pas, c'est caché dans le corps, dans mon corps. C'est cet esprit qui est devenu une nouvelle créature, pas le corps. Le corps reste le même. Ton corps reste le même. Ton corps ne devient pas une nouvelle créature. Mais la Bible dit dans Romains que si l'esprit de Dieu vient en toi, il va donner la vie à ton corps parce qu'il y a un cordon qui les relie, qui relie ton esprit à ton corps. Salomon le dit dans Ecclésiaste. C'est pourquoi tout ce qu'on peut faire sur ton esprit, le corps va le ressentir. Tout ce qu'on peut faire sur ton corps, ton esprit va le ressentir. C'est pourquoi, si quelqu'un vient tout de suite, il pince mon doigt. Est-ce qu'il pince mon esprit? Non, il pince mon corps. Mais comme mon corps est relié à mon esprit par le cordon, je vais ressentir la douleur. C'est pourquoi, si maintenant mon esprit reçoit l'esprit de Dieu, donc mon esprit se retrouve vivant. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Donc, la vie qui inonde en moi par la présence du Saint-Esprit va influencer mon corps grâce à la liaison du cordon. Si tu as compris ça, mon frère, je ne t'invente rien, c'est Ecclésiaste qui le dit. Mais beaucoup d'hommes de Dieu n'en parlent pas. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, Romains chapitre 8, au verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. C'est clair. C'est grâce au cordon que la vie que le Saint-Esprit met dans ton esprit, que le corps va recevoir la vie. Le corps va recevoir la vie grâce au cordon. Je te prends un exemple simple. Merci Saint-Esprit. Quand tu es mort définitivement, Jésus a dit, celui qui croit en lui ne mourra pas, ne mourra jamais. C'est ce qu'on a lu là. Ne mourra jamais. C'est dans Marc. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 26. Jean 11, 26, Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. On est d'accord. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es vivant. Si le cordon est coupé aujourd'hui, ce que nous appelons il est mort, ce n'est rien d'autre que la rupture du cordon. La Bible dit dans Ecclésiaste que ton esprit là retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce que cet esprit continue à vivre? Oui. Mais puisque le cordon a été coupé, est-ce que ton corps continue à vivre? Non, puisqu'au bout de 5 jours, la décomposition commence. Pourquoi? Parce que celui qui lui communiquait la vie, ton esprit, ils ne sont plus liés. Si quelqu'un vient chez toi, tu as de la lumière chez toi, mais si on coupe le câble qui alimente ta maison, est-ce que tu auras encore la lumière? Tu n'as plus de lumière chez toi parce que le câble de liaison a été coupé. C'est la même chose. C'est ton esprit qui donne la vie à ton corps. Quand c'est coupé, l'esprit continue à vivre. Mais le corps, comme il n'est plus en relation avec ton esprit, il va pourrir. Le corps pourrit quand il n'est plus en liaison avec l'esprit. C'est ton esprit qui lui communique la vie. Quand tu meurs définitivement, toi tu continues à vivre. Mais lui va pourrir parce que la liaison qu'il y avait entre toi et lui pour lui donner la vie est coupée. C'est pourquoi il pourrit. C'est pourquoi il devient là, il décompose, il a les asticots. Parce que celui qui lui donnait la vie n'est plus, la liaison n'est plus. La liaison n'est plus. C'est pourquoi, c'est dans Acte 19, Paul leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ah non, frère, nous on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Mais c'était des disciples, la Bible dit c'était des disciples, c'était des croyants, ils croyaient en Jésus. Ils sont sauvés. Mais est-ce que c'est avantageux d'avoir le Saint-Esprit? Mais oui, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vie. Quand il vient en toi, il vient faire le nettoyage et il te sanctifie et il te donne la vie. Et la Bible dit dans Romains, comme il te donne la vie, ton corps va recevoir cette vie. Mais il faut que tu saches que ton corps reçoit la vie grâce au cordon dont Salomon parle dans l'Ecclésiaste. Ce cordon est lié à ton corps et à ton esprit. C'est pourquoi tout ce que peut subir ton corps, tu sens la douleur. Et pourtant, tu n'es pas corps, tu es esprit. Tu vis seulement dans cette enveloppe. Mais pourquoi tu sens la douleur? C'est parce qu'il y a la liaison du cordon. Le jour où le cordon est coupé, ce corps-là, on peut maintenant prendre le couteau. Toi, tu n'as plus mal parce que la liaison a été coupée. Si tu as compris ça, gloire à Dieu. C'est pourquoi celui qui n'a pas le Saint-Esprit, comme ses disciples de Actes 19, mais comment veux-tu que leur esprit ne subisse pas les influences des péchés de leurs parents? Le Saint-Esprit n'est pas en eux. C'est dans ce sens que j'ai fait la vidéo d'hier, quand j'ai parlé des liens. C'est sur ce côté-là. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Comment il va avoir la vie? Comment il peut communiquer la vie à son corps? Non! Et comme il y a l'impossibilité de communiquer la vie à son corps, la Bible dit dans Romains 8, le péché est dans le corps, mais les démons restent où? C'est pas là où il y a le péché. C'est pourquoi les démons viennent posséder les corps physiques. Parce que le péché est dans le corps. Et les démons sont attirés par la souillure, ils sont attirés par le péché. C'est pourquoi la personne a besoin d'une délivrance. C'est parce que le péché est dans le corps que les démons peuvent être là. Le péché qui est dans le corps, c'est le péché, c'est les actes de la personne elle-même et l'influence des péchés de ses ancêtres. Parce que tu es le fruit du sang de tes parents. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, comment tu peux échapper à l'influence de ce péché-là? Ça ne peut que t'influencer. Parce que les démons qui sont liés à ces péchés-là vont t'influencer, vont agir dans ta vie. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne en toi pour qu'il communique la vie à ce corps-là. Et il faut que tu passes par la délivrance. C'est pourquoi Jésus a dit « Chassez les démons ! Je vous en prie !»